passé un très bon après-midi. On écoute maintenant, ensemble, Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Finalement, il se passe beaucoup plus de choses parmi les gens qui ne sont pas engagés ou qui ne se réclament pas forcément de grandes causes que chez des militants qui, en général, c'est vrai, vous reproduisent directement un discours assez attendu, sauf très rare cas. J'habite une campagne dans un petit village de 300 habitants, 80 km par jour en bagnole, et croit que c'est sa prime de 30 euros qui va nous faire changer d'avis, mais il peut se mettre dans son cul. On a donné au Royaume-Uni le droit aux consommateurs, aux associations de consommateurs, de porter plainte contre une grève qui entraverait le droit à disposer d'un produit ou d'un article en magasin. Pour qu'un syndicat puisse s'implanter dans une entreprise, il faut que, dans un premier temps, ce syndicat ait obtenu 30% de signatures, à la suite de quoi, dans un deuxième temps, il doit obtenir, sous la supervision de l'État fédéral, hein, d'une agence fédérale qui s'appelle le National Labour Relations Board, il doit obtenir 50% plus une voix, donc la majorité des voix, qui exprime l'intention de se syndiquer et qui va donner, à la suite de ce processus, le monopole de la représentation au syndicat en question. Cette semaine, négociation ou dialogue de sourds. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La grève. Histoire vivante, cette semaine, la grève. Aujourd'hui, entretien avec Véronique Rotelli, réalisatrice du documentaire « Au pays de la paix du travail », le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, vous qui n'avez jamais l'habitude de parler dans un micro? Voilà, ça va, je parle bien là, je suis dedans. Je m'appelle Véronique Rotelli et j'ai réalisé un documentaire sur un espèce de remake sur la grève du billet de 1976. J'avais envie de donner la parole aux grévistes 40 ans après. Voilà. Vous me le disiez également avant que nous n'ouvrions ce micro, que votre métier habituel, c'est... Je suis monteuse. Je monte des films, je monte des émissions de télé, je monte... C'est arrivé comment, ce travail-là, pour vous ? Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Non, ouais. En fait, c'est par... Enfin, dans ma famille, j'ai toujours été baignée dans le... Dans l'image, dans le cinéma, par mes parents qui produisaient des films quand j'étais petite. Puis j'ai pris le virus, au passage. Mais ce virus, il pouvait s'orienter vers quantité de postes, réalisations, ou actrices, ou que sais-je. Ouais, en fait, c'est parce qu'en fait, je suis venue à Genève, donc on habitait dans le Jura, hein, tout près du Biais, justement. Et puis, je suis venue à Genève pour faire du cinéma d'animation en 1979. C'était encore avec un bon titre et tout ça. Et puis, je devais faire un stage chez un animateur, et puis ça s'est jamais fait. J'ai travaillé en laboratoire. J'ai eu l'expérience, l'occasion de travailler sur un film à monter, et puis ça, j'ai trouvé ça génial et j'ai continué. Voilà, donc j'ai jamais fait d'animation après. Et là, le montage dont vous parlez, c'est le ciseau, la colleuse, oui, et voilà, tout ça. Oui, voilà, tout ça. Ça, c'était le montage négatif chez Cinegram en laboratoire, mais à côté, j'ai eu l'occasion de monter un film moi-même pour un réalisateur. On partage la même expérience, puisque moi, pour ma part, la radio... Quand je la découvre, c'est évidemment encore la bande magnétique. Ce n'est pas les méchantes langues pensent poste à galène, mais non, je ne fais pas mon âge. Il y a déjà de la bande magnétique. Et c'est vrai que découvrir ce drôle de travail qu'est le montage est tout à fait passionnant. Mais je n'ai jamais véritablement pris le temps de comprendre pourquoi c'était passionnant, le montage. Pourquoi c'est passionnant? C'est parce que... C'est un peu magique, on peut raconter plein d'histoires différentes, on peut... On est maître des horloges. Ouais. On peut donner des rythmes différents, on peut... On construit beaucoup de choses. Au montage, il y a beaucoup de choses qui se construisent. On corrige. Ouais, aussi. Et vous, quand vous avez fait du montage, vous avez l'obligation, la double obligation que je n'ai pas. Pour ma part, c'est un montage son. Vous devez être son... plus image, ce qui complexifie, densifie en tout cas l'exercice. Ouais, qui le densifie, complexifie, non, je pense pas. Non. Non. Non, mais c'est, l'un ne va pas sans l'autre, du coup, en télévision et en cinéma. Vous vous dites ça comme une évidence parce que vous baignez dedans, mais il y a quand même des gens qui n'ont absolument jamais même envisagé ce que ça pouvait être. Oui, aujourd'hui, maintenant, parce que les outils sont démocratisés et que chacun en fait un peu chez lui, mais au moment où vous commencez à travailler, on avait quel type d'objet ? On a la colleuse, on a la... Qu'est-ce qu'on a dans les mains ? Alors, pour faire du montage pur, c'était avec du... On scotchait. Puis après, c'était envoyé en labo pour être justement faire des beaux collages qui se voient pas, voilà. Qui n'accrochent pas. Ouais. Non, c'était manuel, c'était chouette aussi, hein. Mais après, on est passé aux bandes magnétiques. Puis là, c'était un peu à l'aveugle, assez difficile. C'était beaucoup plus difficile le travail. Puis maintenant qu'on est en informatique, c'est redevenu aussi souple qu'en film de l'époque. Est-ce qu'on y a systématiquement gagné en passant au numérique ? Alors, oui, la souplesse, c'est évident. Qu'est-ce qu'on perd ? Moi, j'ai un élément de réponse concernant le son. J'aimerais bien avoir votre opinion, Véronique Rotelli, là-dessus. Alors, perdu ? J'ai l'impression qu'on est plus pressé par le temps parce qu'on fait plus, on essaye plus de trucs. Et parce qu'en fait, les temps de montage, ils ont toujours été les mêmes. Ils n'ont jamais diminué. Même si les outils sont apparemment plus faciles et rapides, on a toujours les mêmes temps de montage parce qu'on essaye plus de trucs, il y a plus de matériel. On a perdu, je dirais, on est plus stressé en fait, on a perdu le calme. Vous abordez un film comme celui dont nous allons parler comme réalisatrice ou monteuse ou un assemblage des deux ? C'est-à-dire que c'était un peu... c'était parce que mon père, il avait ce film de 1976. Vous dites ça, les gens ne savent absolument pas de quoi il est question. Alors donc... mon père a produit le film de 1976 qui a été tourné en 16 mm noir blanc en immersion dans la grève. Pendant 3 semaines sur 4, ils étaient... en train de filmer avec les grévistes. Alors, les grévistes, c'était une... Donc, ils faisaient une grève suite à des restrictions sur les acquis sociaux, surtout le 13e salaire. Et ils travaillaient... C'était une usine, une grande usine au Val-de-Travers qui produisait des machines à tricoter, des machines-outils. Voilà. Donc, c'était des... Il y a eu changement de personnel, il y a eu qu'est-ce qui fait non, il y a eu la crise là du pétrole en 73 je crois par là. Et puis ils ont décidé qu'ils allaient plus verser le 13e salaire et il y a plusieurs paramètres qui s'additionnent. Qui s'additionnaient, ouais. Mais c'est le 13e salaire qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et puis auparavant, il y avait donc déjà une situation de tension ou c'est brusquement quelque chose qui va comme en s'accélérant ? Ouais, bon, ça a commencé par... parce que c'était une usine très paternaliste de M. Dubié, d'ailleurs. Après, il a passé la main à le gendre, le mari de sa fille, qui a commencé à gérer ça comme une entreprise avec une... comme un patron qui avait peu de regard pour ses employés. Donc là, les employés, ils étaient déjà... ils en avaient déjà pris un coup dans ce paternalisme, ils aimaient bien, etc. Donc c'était quelque chose qui perdait, plus les acquis qui s'additionnaient. Après, c'est le petit-fils de Dubié, le fils du gendre et de la fille qui a repris, puis il n'était pas... Enfin, c'était ça... C'était pareil, quoi. Hein, c'était un peu... Donc, ils ont continué à supprimer avec la crise, machin. Et puis, du coup, voilà. C'est venu quand même assez... sur 6 ans, je dirais, à peu près. Et votre père, là, lui, il va chercher la caméra, puis il se dit, faut être là. Non, mon père, il l'envoie. Il l'envoie. Ah, il l'envoie. Frédéric Godet et Fabien Landry, mon frère... Mon frère filmait, Frédéric prenait le son et posait des questions. Il sent qu'il y a quelque chose. Ouais, voilà. Ouais, ils sentent tous. Hein. Frédéric, c'était plutôt sur l'idée de Frédéric Godet. Ils se connaissaient déjà depuis un moment. Et puis, il est venu... ouais, mais faire un film, à quelle destination? Objet témoin? Ouais, c'est ça. Il se disait, il se passe un truc. Il y avait plusieurs grèves. Il y a eu plusieurs grèves. Ils ont suivi une grève quelques temps avant, quelques mois plus tôt, à Bulovar. C'était près de à Neuchâtel. Et puis, il y avait pas mal de mouvements à cette époque-là. Donc, ils se sont dit, on peut peut-être voir... Enfin, ça risque de nous faire un truc. Puis donc, ils ont fait ces deux pour finir. Après, ça s'est arrêté. Parce que, de toute façon, pour trouver les sous pour faire ça, c'était pas évident. Hein. Du côté français, c'est vrai que l'expérience Lip connaît la même chose avec des films en immersion, caméraman qui suit tout le long, qui vivent avec... Et qui, évidemment, vivant avec, finissent par se faire oublier et obtiennent des images absolument insensées. Au total, ça représente combien de temps de films? Alors, le film de 1976 fait 110 minutes, avec Bulovin inclus. C'est du brut? Ou non, c'est déjà un objet monté? C'est un peu monté, ouais, parce qu'en fait, oui, ils avaient beaucoup de problèmes à remettre le son avec, parce que souvent, le preneur de son était là, caméraman de l'autre côté, donc c'était compliqué à synchroniser. Mais ils ont utilisé beaucoup, pratiquement toutes les images, hein, et puis le son un peu moins, évidemment. Alors on va se téléporter à beaucoup plus tard, c'est-à-dire notre période à nous. Et du coup, on se retrouve en 2014, puis mon père me dit, mais c'est bientôt les 40 ans de cette grève, on pourrait faire un truc et tout. Puis tout d'un coup, je lui ai dit, bon, ben, je voyais bien que je voyais pas trop qui pouvait partir là-dedans, apparemment. Donc, comme le monde du travail me passionne aussi, j'ai toujours été assez combative. Ça m'a branchée. Voilà. Donc, je suis partie retrouver ces grévistes. En passant d'abord par l'archive, ou alors vous la connaissiez tellement par cœur que, grosso modo, vous saviez les gens tout de suite à contacter? Le film, je m'en rappelais, oui, mais je l'ai revu, évidemment, puis j'ai vu un peu les visages qui étaient marquants, puis les personnages importants. Donc vous avez fait votre casting ainsi? Voilà, comme ça, oui. Après, je leur ai coupé des petits bouts, puis je suis allée les voir avec, et je leur projetais des parties, de leurs parties, souvent, et puis ils s'exprimaient, voilà. Alors, les gens qui nous écoutent n'ont pas encore vu votre documentaire, Véronique Rotelli. On va revenir sur ce dispositif. J'ai une ou deux questions à vous poser là-dessus, mais restons peut-être, si vous le voulez bien, à l'étage du casting. Vous choisissez vos têtes selon quelle fonction? Il y a l'évidence qui est, lui, elle, passe vraiment l'écran, passe la scène. Il y avait quand même l'instigateur de la grève, hein, celui qui a fait démarrer le tout, qui me paraissait important, celui que j'ai eu le plus de peine à retrouver d'ailleurs. C'est drôle. Et puis sinon, il y a ceux qui me touchaient plus aussi. Selon quels critères? Parce que c'est quand même, c'est des ouvriers qui ont donné beaucoup pour leur entreprise et puis qui étaient vraiment touché quoi par ce qui leur arrivait, donc avec le cœur quand même pas mal. Alors on décroche le téléphone, on appelle, on fait la proposition, et là une somme de râteaux ou des portes grandes ouvertes? Alors un râteau et que des portes grandes ouvertes. Et puis j'ai même contacté le directeur de l'usine. Je me suis dit quand même ce serait pas mal. Donc le dernier en date. Oui, ouais. Le petit-fils Dubié. Et lui, il a aussi accepté. Alors, c'était une surprise, oui, j'imagine. Oui, oui. La première rencontre. Avec chacun ou juste avec lui? Au choix. Avec chacun, c'était vraiment chouette. Et puis... Donc vous êtes tenu de vous expliquer ou vous entrez bille en tête dans le truc? Non, bien en tête, on parle de ce film, et puis je pense quand même que j'ai dû dire oui, que j'étais la sœur du caméraman et la fille du producteur, oui, sûrement. Ouais. Mais vous connaissez surtout, principalement aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Qu'est-ce qu'elle va me poser? J'ai rien à dire, etc. Ouais, alors là, je leur expliquais ce que j'allais leur demander, je leur ai donné les questions avant, puis voilà. À vous donner les questions avant, vous. Bonjour, bon, oui. Enfin, j'en posais pas beaucoup. Hein. Ils parlaient. Eux avaient beaucoup à dire. Ouais, puis moi je les laissais vivre, quoi. On avait le temps, c'était vraiment pas. C'est pas comme les reportages qu'on fait pour la TV habituellement. On sent qu'on fait répéter les gens pour qu'ils disent ce qu'il faut pour que ça roule bien, etc. Non. Donc là c'était bon, bah on a ou on n'a pas, et puis on verra bien. Ben, c'est-à-dire que le premier jour, quand il est arrivé à midi, puis qu'il me dit oh, cet après-midi, on sort tous, on va tous devant l'usine. Je dis ouais, ben, si tu crois t'amener ton histoire, mais il n'y a personne qui va venir, hein, faut pas rêver. Personne tu vas te croyait, tu vas te retrouver tout seul là-bas dehors. Et puis, j'étais quand même inquiète, puis je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai envoyé notre fils aîné avec son petit vélo. Comme on n'habitait pas très loin, je lui dis va voir regarder s'il y a du monde devant chez. Devant chez où papa travaille. Alors il est revenu un moment après, il m'a dit, alors il m'a dit vraiment comme ça, il y a une chier de monde. Au départ, on est sorti 400, et pour finir, on était 600, à peu près 600. Parce que Dubier, il a eu 2500 à couver, hein, dans les bonnes années. Et puis ça a diminué. Alors, je pense qu'à l'époque de la grève, on était encore 800 ou 900, quelque chose comme ça. Donc on était 600 à sortir après 3-4 jours déjà. Après maintes réunions de négociations, la direction n'accepte toujours pas nos revendications, mais propose des solutions dérisoires. Lundi, les grévistes de Dubier, Marin, Couvet et Peuzeux continueront la lutte et de nouvelles dispositions seront prises. Les différentes solutions auxquelles on a pensé, l'occupation extérieure, laisser entrer personne, 24 heures sur 24, week-end compris. Une deuxième, l'occupation intérieure. On aurait une violation de domicile, le Conseil d'État et la police sur le dos, et une plainte pénale. Le Conseil d'État s'est réuni ce jour en séance extraordinaire. Il constate qu'actuellement, malgré des pourparlers intenses, les positions des partis restent irréductibles l'une à l'autre. Quoi qu'il puisse arriver, l'état de droit sera défendu et l'ordre public garanti. Il n'est pas question de remettre en cause une sentence arbitrale entrée en force sous la seule réserve d'un recours qui serait formé devant le tribunal fédéral. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Véronique Rotelli. On vient d'entendre un extrait du Au pays de la paix du travail, un film réalisé par notre invitée du jour, Véronique Rotelli. Au pays de la paix du travail répond à un dispositif assez singulier qui consiste à mettre des témoins devant leur passé, devant une image d'eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes, et également de les confronter à quelque chose qui tout de même collectivement peut s'intituler l'échec. Est-ce que ça a été pour vous quelque chose qui est allé de soi ? Pour ma part, j'ai eu l'impression, en mettant les gens devant ces images-là, qu'il y avait une certaine forme de double peine. Parce que, effectivement, leur mouvement a, d'une certaine manière, abouti dans le mur, et que on en remettait une couche X années plus tard pour leur rappeler. Oui, ils n'ont pas gagné grand-chose, mais ils se sont battus pour la postérité. Le 13e salaire est devenu presque une habitude maintenant. Donc il y a quand même des choses qui ont été utiles. C'est, non, ce n'était pas une double peine, non. Et puis d'ailleurs, Ruffieux, celui qui a instigé le départ de la grève, lui, il a dit qu'il avait vraiment beaucoup... Enfin, ça l'a porté toute sa vie, hein, cette grève. Il y a eu un avant et un après. Il est devenu plus timide. Il était très timide avant. Du coup, il est devenu contremaître. Puis, enfin, je crois, hein, il avait une équipe, en tout cas, ensuite. Mais il a dû quand même partir. Hein, il a retrouvé des jobs, mais bien. Et puis, ça l'a vraiment formé à se défendre, se battre. Mais en même temps, il était quand même chef d'équipe. Donc, puis pour tous, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après quand même. C'était pas un échec, je pense pas. Pour eux, c'était une grande preuve de solidarité, je dirais plutôt. Solidarité et puis combat. Oui. Et puis un combat plus ou moins gagné. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu exactement tout ce qu'ils voulaient, mais qui, dans n'importe quelle grève, a tout ce qu'il veut ? C'est clair que ça n'arrive jamais comme ça, mais au fil du temps, on peut dire que ça a été utile, oui. Moi, je pense que oui. Selon vous, Véronique Rotelli, ont-ils la mémoire leur permet de reconstruire l'histoire, ou grâce justement à ce film antérieur, celui tourné à l'époque, qu'ils devaient peut-être les uns et les autres avoir, l'avait-il d'ailleurs ce film, l'avait-il vu ? Alors il ne l'avait pas, c'est un ouais. Film, et c'est nous qui l'avons, on a fait une projection ? Non. On a dû digitaliser le film, il était en pellicule encore. Ouais. Et eux ils l'ont vu je crois une année après la grève, hein, au cinéma Colisée, toujours le même, juste à côté de l'usine à Couvet. Où d'ailleurs on a fait la première aussi, c'était très sympa. En 76, 40 ans pratiquement, jour pour jour après la grève, quoi. Donc toujours ce cinéma est toujours le même, à côté de l'usine, c'est chouette, quoi. Alors, au-delà de « c'est chouette », qui est une formule effectivement tout à fait compréhensible, mais qui manque peut-être un petit peu d'élargissement, les gens viennent voir le documentaire. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère ? Alors, le nouveau ou l'ancien ? À l'ancien, j'étais pas là, j'étais non, trop jeune. Non, il n'y a pas une reprojection de l'ancien. Non, pas d'accord. Cette fois, non. Donc, il revoit les images. Ça, c'est ce qu'on voit dans votre documentaire, ouais. À vous. Il revoit les images ou des extraits où ils sont. Ouais. Et vous les filmez en train de regarder. Oui. Pourquoi vous les filmez en train de regarder ? Ben, pour voir leur réaction, quand même, parce que... Oui, mais pourquoi vouloir voir leur réaction ? Parce que je pense que ça les touchait de se revoir, hein. Est-ce je vous avais prévenu, hein, j'ai pas fait tout en cachette. Oui, voilà. Ça va être très bien ce qu'on faisait. On sent bien que c'est pas de la caméra cachée. Mais il peut y avoir des moments impudiques. Ah bah ça j'aurais pas mis, bien sûr. Non. Et vous les aviez prévenus aussi de ça ? Ah oui, je leur ai dit, puis que de toute façon je leur ferais écouter ce qu'ils avaient, ce qu'on avait pris d'eux. Non, il pouvait... D'ailleurs, il y a une personne qui m'a demandé de ne pas mettre des choses, je les ai pas mises. Leurs réactions vont-elles toutes plus ou moins dans le même sens, ou vous avez affaire à un large éventail, Véronique Rotelli ? Non, mais ils étaient contents. Bon, j'ai pas eu le retour du directeur... Mais je veux dire, la situation, revoir l'archive, parler dessus et tout ça, est-ce que vous avez eu le droit à des réactions fort différentes à ce retour dans le passé, ce retour sur l'expérience ? Bah, parce qu'il y avait des moments dans cette grève qui étaient quand même passablement longues, hein. Il y a eu des moments différents, donc... non, mais alors, longue, c'est-à-dire, rappelez-moi. Un mois. Ouais. Donc c'est pas mal. Et puis, ben, moi, je les ai pris sur certains moments différents selon ce qu'ils faisaient, où ils étaient. Ils ont bloqué les usines à un moment, alors on était plus avec l'un qu'avec l'autre, et, etc. Donc, ben, ils avaient tous, on s'est arrangé pour qu'ils ne se répètent pas. Mais quand même, ils avaient tous leurs idées par rapport à la grève, etc. C'était quand même assez personnel, leur démarche en général. Vous l'idée individuelle ? Oui. Disons que, par exemple, justement, Ruffieux, l'instigateur, lui, il n'était pas vraiment pour la grève, mais il s'est dit, il n'y a pas d'autre solution, là, il faut qu'on se bouge. Et puis, les Luciani étaient beaucoup plus prêts à faire de la grève, parce que venant d'Italie, ils étaient plus... Dans cette culture. Voilà. Mmh. Alors, précisément, la grève au pays de la paix du travail. Comment la définir ? Est-ce que ça relève d'une anomalie, d'une sorte de comédon dans un paysage très lisse ? Ouais, mais en même temps, c'était une espèce de façon de museler encore les travailleurs en leur disant vous n'avez pas le droit de faire la grève, on a fait des accords de paix du travail. C'est pas dans la loi, ils avaient le droit de le faire. Et en plus, c'est dans la jurisprudence maintenant. Donc, c'est un peu une façon de museler les ouvriers. C'est très nettement une façon de... Ouais. Donc, eux, ils ont passé dessus et puis ils ont très bien compris qu'ils n'étaient pas hors la loi. Mais du fait d'en avoir le sentiment, est-ce que... Il pouvait y avoir des rumeurs qui circulaient en disant on risque ci, on risque ça, on pourrait peut-être aller en prison. Ah non, la prison en tout cas pas, c'était plus le licenciement éventuellement. Le licenciement. Voilà. Oui. Luciani dit bien que lui il gagnait 7 francs de l'heure et avec le 13e salaire ça lui faisait 7 francs 50. Hein. Donc on vous coupe ça, c'était pour eux, on leur coupait la gorge, ils ne pouvaient plus payer leurs impôts. Enfin je veux dire, c'est pas des gens qui mettaient de côté quoi. Donc, c'était un peu une obligation. Alors aujourd'hui, effectivement, on a quelque peu changé d'époque dans ce capitalisme des plateformes. La grève reste-t-elle toujours, selon vous, Véronique Rotelli, qui avait quand même travaillé l'objet, quelque chose qui est envisageable ? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une arme quelque peu ancienne, quelque peu rouillée ? Non, moi je pense que c'est une âme redoutable hein, et qui a des fruits qui poussent de partout, les jeunes pour le climat. Donc c'est quand même un super... Non, c'est pas du tout. Et en Suisse ? Mais en Suisse aussi, il y a eu les maçons, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus, il y a une année, je dirais. Comme ça, qui ont quand même... L'UNIA est assez partante pour organiser des grèves et tout, enfin pour soutenir, pardon, ils n'ont pas le droit. Enfin voilà quoi, donc non, je pense que ça devrait, j'espère que ça va même revenir en force, parce que les acquis sociaux... Bon, retournez vite au travail, parce que le temps que vous partiez, les acquis sociaux disparaissent. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante, et puis donc on pourra découvrir votre documentaire, si ce n'est déjà fait, depuis le début de semaine sur le site des docs de la RTS, dimanche soir, au pays de la paix du travail. Alors, si je peux vous corriger, c'est un mois de grève au pays de la paix du travail. Vous avez bien fait de me corriger. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.